Mais, après avoir testé cette solution, le dimanche de Pentecôte 2015, à l'attention d'un ami bienveillant, cette solution nous est apparue assez décevante et indigeste. J'ai donc repris l'ensemble du Coran pour vous en proposer une recomposition toute personnelle, et donc subjective, et pour vous rendre cet ensemble plus accessible, sinon plus digeste. Cette recomposition s'ordonnera autour des 12 thèmes suivants. 1. Mohammed, la source du Coran. 2. Le Coran. 3. Dieu ou Allah, selon les deux traductions que j'ai utilisées. 4. Les réminiscences de l'Ancien Testament. 5. Les réminiscences du Nouveau Testament. 6. Les rapports des adeptes du Coran avec les autres religions, juives et chrétiennes. 7. L'islam et les musulmans. 8. Les infidèles. 9. La guerre sainte, la djihad. 10. Les préceptes contenus dans le Coran. 11. Notamment les préceptes concernant les rapports hommes-femmes. Et 12. Le jugement dernier. Cette recomposition, ou décomposition, toute personnelle, je le répète, est évidemment contestable, et de plus, elle ne va pas sans répétition. Mais les répétitions étant voulues dans le Coran, et elles sont incessantes, je ne pouvais toutes les supprimer au risque de dénaturer l'original. La traduction française que j'ai suivie date certes de 1840, écrite par Casimir Ki, un émigré polonais employé comme interprète en Perse. En 1960, date de l'édition Garnier où elle figure, elle était encore reconnue comme excellente par un arabophone spécialiste de l'islam, le révérend père dominicain égyptien Georges Anawati. Quand j'ai eu des doutes, j'ai corrigé cette traduction avec celle publiée à Beyrouth en 2010 par Dar Al-Bourak, la maison Al-Bourak. Ainsi, je m'efforcerai dans les extraits choisis de remplacer le nom « Dieu » de la traduction Garnier par le nom « Allah » de la traduction Beyroutine, nettement plus approprié pour vous présenter le Coran.